ce qui est avant dhu, s'il est ma'rifa, ce qui viendra après dhu sera ma'rifa. C'est-à-dire, tu ne dis pas par exemple, indi daftarun dhu al-ghilafi. La da khata. Me fom? Taqul, indi daftarun dhu ghilafin jamili. Taïb, uridu daftaran dha ghilafin akhdar. Me fom? Taïb, bismillah, s'arrêtez où? Faudra l'aïman. لا رجلان ذا لحية بيضاء très bien. أين الطالب الجديد ذو النظارات ذو النظارة النظارة الجميلة نعم من هذا الرجل أبو تابع هذا الرجل ذو الشعر ذو الشعر شعري ذو الشعر très bien. Ça veut dire quoi ça? Voilà, des longs cheveux. Au suivant. Daka. Daka rajoula dal qamis al asfari. Da. Al qamis al asfari. Dal qamis. Taïb, dal qamis al asfari. Au suivant. L'imam Daka Aïdou, Zul Nawafizi. Nawafizi. Daïkati, hein, c'est-à-dire des petites fenêtres. Indi. Indi mu'jamun dhu suwarin mulawanatin. Très bien. Indi mu'jamun dhu suwarin mulawanatin. C'est-à-dire quoi? Un dictionnaire à couleurs. Suivant. Ishtaraytu mu'jaman dhu suwarin mulawanatin. Très bien. C'est la même phrase, mais ça, il est mansoub. Suivant. Fi qaryatina masjidun dhu. Manaratin wahidatin. Non, manaratin wahidatin. Suivant. Ra'aytu masjidan dha manaratin wahidatin. Très bien. Tout le monde a compris, Inch'Allah, ce dars? Hein? Taïb. C'est quoi qu'on utilise Zayyaqatou? C'est quand? Ouais. Parce que nous, les petits, on commence à rire. J'ai pas bien commencé à rire. Moi, je dis ça pour petits. Quelque chose de petit, je dis ça rire. Moi, ouais, c'est petit et même ça, là, c'est étroit. Étroit. Voilà. Ça veut dire, toi, tu veux dire quand est-ce que tu vas utiliser ça? Ouais. Il n'y a pas de mal. Par exemple, si toi, tu as vraiment des toutes petites fenêtres, tu diras par exemple, Indi Mada, Nawafid Daïkha. Une forme, c'est-à-dire, elles sont étroites. Ou Indi Nawafid Sahira, m'affiché. C'est un synonyme. Non, t'fadda. Vie. Voilà, par exemple, si je vous donne un exemple hein, pour répondre au frère Wahbi, Maratou Birajulin di Lihyatin. Taïb, si vous le voulez, je vous l'écrivez. Taïb. Ce sera pareil. Dja Abouka. Tout le monde y est. Raïtou Mada. Abaka. Maratou bi Abika. Al-Waw, Wal-Alif, Wal-Ya. Taïb. جاء أخوك رأيت أخاك مررت بأخيك هذا معنى تبون هي ouais ouais c'est à dire منصوب مفتوح mais pas comme ça ça c'est pour vous voilà طيب إن شاء الله grand 13 ans تأمل الأمثلة الآتية L'imma al-mawsoula. Taïb, il te demande de regarder attentivement les exemples suivants avec ma al-mawsoula. On a étudié quoi? Al-ma al-istifhamiya. Ma hada. Tout le monde se souvient. Taïb, al-ma madaïdan. Nafiya. Ma akaltu. Il nous reste quoi? Ici. C'est-à-dire, quand je dis reste quoi, il y en a encore des autres. C'est juste par rapport à ça. Ma al-mawsoula. Qui correspond à quoi? À l'adi. Mais vous? Akulu ma takul. Et comment on sait que c'est le mal morceau là? C'est que tu peux l'échanger avec Alladi. Akulu, Alladi, Ta'akul. Vous avez compris ça? Inch'Allah. Non, c'est Alladi. Dans les deux cas, c'est là tu me traduis. Mais au niveau du sens, c'est tu peux le remplacer par Alladi. C'est-à-dire, toi, si demain, Inch'Allah, tu veux savoir est-ce que c'est le mal morceau là, tu la changes avec Alladi. Mais faut, madame? Regardez bien, Barakallah Fekou. Regardez, il dit. ماذا تأكل يا علي؟ كل مدي ماذا تأكل يا علي؟